Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe en Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on va vous parler de 2023, l'année européenne des compétences. Et j'en profite également pour vous présenter Adam Bailly, donc étudiant en Master 2 en études européennes et internationales au Centre européen universitaire de Nancy, qui effectue son stage de fin d'études au sein de notre association pour une période de 5 mois et qui va co-animer cette chronique avec nous. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Camille. Bonjour Adam. Ainsi, pourquoi la Commission européenne a-t-elle décidé de faire de 2023 l'année européenne des compétences ? Eh bien, à l'heure actuelle, plus de 3/4 des entreprises de l'Union européenne disent rencontrer des difficultés à trouver des travailleurs qui possèdent les compétences nécessaires. Et les derniers chiffres d'Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, indiquent que seulement 37% des adultes suivent une formation sur une base régulière. En 2021, on constatait déjà des pénuries de personnel pour 28 professions dans différents secteurs, comme par exemple la construction, les soins de santé, l'ingénierie ou encore les technologies de l'information, ce qui témoigne d'une demande croissante de travailleurs tant hautement qualifiés que peu qualifiés. Très bien, et quelles sont les perspectives aujourd'hui ? Eh bien, les transitions écologiques et numériques ouvrent de nouvelles perspectives aux Européens et à l'économie de l'Union européenne. Un citoyen qui dispose des compétences nécessaires est un citoyen armé pour s'adapter à l'évolution du marché du travail et participer pleinement à la société et à la démocratie. Ainsi, lors de son troisième discours sur l'état de l'Union, le 14 septembre dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée pour que 2023 soit l'année européenne des talents et des compétences, afin d'investir beaucoup plus massivement dans la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie. Et quels sont les objectifs que s'est fixé l'UE ? L'Union européenne s'est fixé plusieurs objectifs. Promouvoir les investissements dans la formation et le renforcement des compétences, veiller à ce que les compétences soient adaptées aux besoins du marché du travail, mettre en adéquation les aspirations et les compétences des citoyens et les possibilités offertes sur le marché du travail, et enfin, attirer des personnes de pays tiers qui possèdent les compétences dont l'Union européenne a besoin. Alors, les États membres ont approuvé les objectifs sociaux de la stratégie Europe 2030, selon lesquels au moins 60% des adultes devraient participer à des actions de formation chaque année. Parmi les objectifs de l'Union européenne fixés dans la boussole numérique 2030, il est prévu que d'ici à 2030, au moins 80% des adultes possèdent au minimum des compétences numériques de base, que 20 millions de spécialistes des technologies de l'information et de la communication soient employés dans l'Union européenne et que les femmes soient encouragées à occuper de tels emplois. Très bien, et quelles sont les activités prévues cette année ? Eh bien, la Commission européenne va lancer des campagnes de sensibilisation, des événements ou encore faciliter les reconversions. Très bien, bah on écoute désormais la chanson « A Hard Day's Night » des Beatles. It's been a hard day's night. Should be sleeping like a log. Europe On Air avec les centres Europe Direct. De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe On Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on parle de l'année européenne des compétences. Et quelles sont les initiatives et programmes européens qui existent déjà en faveur des compétences ? Eh bien, on peut citer la stratégie européenne en matière de compétences, qui constitue le cadre de coopération de l'Union européenne en matière de compétences et qui continuera d'aider les particuliers et les entreprises à développer des compétences plus nombreuses et de meilleure qualité et à les mettre en application. On peut également citer le dialogue structuré avec les États membres sur l'éducation et les compétences numériques qui permettra d'avancer sur ces questions. Et enfin, elle peut s'appuyer sur de nombreux financements européens et aides qui sont déjà en place, comme le Fonds social européen plus, la facilité pour la reprise et la résilience, le programme pour une Europe numérique, Horizon Europe et Erasmus+. Et du côté des nouveautés ? Eh bien, de nouvelles initiatives ont aussi été proposées, comme le déploiement d'un réservoir de talents de l'Union européenne. Après donc s'être inscrite à l'initiative pilote du réservoir de talents européen, les personnes qui bénéficient d'une protection temporaire peuvent télécharger leur CV de sorte que leur profil soit accessible à plus de 4000 employeurs, services publics nationaux de l'emploi et agences privées pour l'emploi. Mais qui dit formation dit aussi université, non ? Oui, et la stratégie européenne pour les universités, adoptée en janvier 2022, encourage les établissements d'enseignement supérieur à coopérer de manière renforcée et plus étroite dans le domaine de l'éducation. Le but est de mutualiser leurs capacités et leurs ressources ou à délivrer des diplômes communs. Et existe-t-il aujourd'hui des outils pour aider les Européens à faire progresser leurs compétences et connaissances numériques ? Alors oui, Adam, il s'agit de la plateforme européenne pour les compétences et les emplois numériques, qui est une initiative lancée dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Elle offre des formations et des ressources sur les compétences numériques, notamment un outil d'auto-évaluation des compétences numériques, ainsi que des possibilités de formation et de financement. Et quelles sont les initiatives qui permettent de sensibiliser à ces questions ? Alors, la coalition de l'Union européenne en faveur des compétences et des emplois numériques s'attaque au déficit de compétences numériques en réunissant les États membres, les partenaires sociaux, les entreprises, les organisations à but non lucratif et les prestataires de services éducatifs pour sensibiliser et encourager les organisations à prendre différentes mesures pour encourager la formation aux compétences numériques. Mais comment sont financées toutes ces initiatives ? Eh bien, un financement et un soutien technique important de l'Union européenne sont disponibles pour soutenir les investissements des États membres dans le perfectionnement et la reconversion professionnelle. Ainsi, les fonds viennent en majorité donc du Fonds social européen plus, le FSE+, doté d'un budget de plus de 99 milliards d'euros pour la période 2021-2027, du programme pour une Europe numérique doté de 580 millions d'euros ou encore d'Erasmus+, doté d'un budget de 26,2 milliards d'euros. Eh bien, merci Camille. C'était la chronique Europe On Air sur Radio Fagette, présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien.